Radio Crochet. Faut savoir l'encaisser. Super, et bah oui, rebonjour. On est toujours pendant le marathon des 24 heures, donc j'espère que vous l'encaissez bien pour l'instant. Nous, on est un peu fatigués, mais on est super contents d'être là. Et donc, pour la suite du programme, ils boivent leur café noir et portent des blouses. Ils soignent les idées noires, mais aujourd'hui, ils ont aussi beaucoup de raisons d'avoir le blues. Vous les avez peut-être reconnus. Avec eux, j'ai à la fois fait des manifs, mais aussi des fêtes d'enfer. Je parle bien sûr des blouses noires qu'on accueille dans le studio bibliothèque du Diable au Corps. Alors, bonjour. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Comme un dimanche après-midi, quand il pleut. Très bien. On va essayer du coup de se redonner un peu de joie ensemble. On va voir si ça marche. Alors, présentez-vous si vous voulez, donner votre prénom, ce que vous faites avant qu'on lance les hostilités. Donc Marie, infirmière en psychiatrie. Pierre, infirmière en psychiatrie aussi. Super. Alors, on va pas se mentir, on se connaît un peu, on se connaît de mieux en mieux, on s'est déjà vu plusieurs fois, on a déjà beaucoup parlé, on a déjà fait des interviews de vous, on a passé des moments ensemble. Là, aujourd'hui, on a un temps plus long pour discuter ensemble, un peu plus tranquille, donc peut-être c'est le moment de parler de choses qu'on n'a pas encore évoquées. En plus, j'ose croire que parmi nos auditeurs, les gens qui ont décidé d'écouter Web Radio Crochet aujourd'hui, certains vous connaissent déjà et connaissent déjà votre lutte, donc on ne va peut-être pas tout réexpliquer en détail. Et du coup, il y a en fait une question que moi, je ne vous ai jamais posée et j'en ai jamais vraiment parlé avec vous, c'est sur votre métier tout court, tout simplement, en fait, le métier d'infirmier en psychiatrie, que je connais mal, et j'aimerais savoir en quoi elle consiste, déjà, qu'est-ce que vous faites au quotidien, et puis je sais pas pourquoi vous avez voulu faire ça, qu'est-ce que vous aimez toujours aujourd'hui dans votre boulot, qu'est-ce que vous n'aimez plus, voilà, si vous avez envie de me raconter. Le job au quotidien, il est surtout normalement centré sur de la présence, être là tout le temps, si besoin, juste en soutien, ou plutôt en mode d'observation. On peut être dans un coin et puis juste regarder et finalement, ça prendra quand même tout son sens, même si on semble être statique et ne pas faire grand-chose. Bien au contraire, on a toujours tous nos sens en éveil. C'est un job qui demande beaucoup de concentration et on devrait pouvoir l'exploiter comme ça. Seulement aujourd'hui, il est un peu différent, effectivement. On nous demande plus de tâches administratives, plus de tâches sur prescription médicale, la distribution des médicaments notamment, pour citer que celui-là. Mais normalement, ça devrait être bien plus large comme mission. Il y a une grande partie du travail, en effet, c'est toute cette petite tâche quotidienne qui nous semble totalement normale. Pour des patients en psychiatrie, c'est pas forcément aussi simple. Prendre soin de soi, passer du temps avec les autres, réussir à avoir des contacts cordiaux, réussir aussi à faire à nouveau des activités, à se dynamiser. Et pour ça, il y a besoin d'avoir des personnes qui sont présentes pour aider, pour voir ce qui marche moins bien. Et puis, en effet, les soutenir, les accompagner vers justement l'absence de besoin de l'hôpital, pouvoir faire sans nous. Mais en tout cas, au jour le jour, ils ont besoin de nous le matin pour se lever, pour faire les soins de base, pour... avoir une alimentation adaptée pour réussir à gérer ces moments de crise pour eux qui ne sont pas forcément évidents, que ce soit le jour quand il y a beaucoup de monde ou la nuit quand ils sont tout seuls. Donc c'est 24 heures sur 24 qu'il y a besoin de soignants avec eux. Ok, donc si j'ai bien compris, c'est difficile. Est-ce que c'est quand même un boulot qui vous plaît? Énormément. Ouais. Prendre le temps de... d'accueillir la vie des autres, c'est très curieux, mais il y a forcément beaucoup de souffrance, c'est le cœur de notre métier, mais il n'y a pas que ça, il y a des expériences de vie qui sont très intéressantes à découvrir, d'autres manières de voir le monde, d'autres manières d'interagir, on a des patients qui ont des capacités artistiques qui me dépassent grandement. Et je suis ravi de réussir à les aider un petit peu à développer ces capacités-là. Donc il y a toujours un peu d'émerveillement quand même dans votre boulot aujourd'hui. Donc vous aimeriez pouvoir l'exercer dans des meilleures conditions. Donc ça c'était pour votre, un peu votre identité d'infirmier psychiatrique, votre travail. Et du coup à ça se double aujourd'hui une double identité, celle des Blouses Noires. Donc le Blouses Noires c'est un collectif de soignants dont vous faites partie, de l'hôpital du Rouvray, à la base les Blouses Noires c'est né ici, donc juste à côté de Rouen. Et vous avez décidé de monter un collectif pour donc, je crois, lutter pour l'amélioration de vos conditions de travail, mais du coup, dans le même temps, et presque j'ai envie de dire surtout, lutter pour l'amélioration des conditions pour les patients, parce que c'est eux qui en souffrent aussi aujourd'hui. J'en profite pour dire s'il y a d'autres gens qui sont ici au Diable Corps ou même pas loin dans la rue, je sais pas si vous voulez passer et vous aussi poser des questions, même des questions absurdes ou même si vous connaissez pas du tout les Blouses Noires, en fait ici c'est ouvert, on veut bien que les gens y passent et ils disent un petit mot, il n'y a pas de souci. Alors du coup l'an dernier vous êtes fait connaître, vous avez commencé à faire de la communication sur ce qui se passait, à commencer à faire des revendications, des actions aussi. Et l'hôpital du Rouvray a ensuite été connu quand vous avez été par la suite rejoint aussi par vos collègues syndiqués avec qui vous avez lutté ensemble pour... donc eux s'étaient fait connaître aussi avec une grève de la faim pour obtenir des postes surtout. Et donc a priori il y avait eu une réponse positive, finalement vous aviez obtenu des choses. Qu'est-ce que vous aviez obtenu tous ensemble et est-ce que ça a été... réel ensuite, est-ce que cette promesse a été tenue? On suit évidemment l'évolution des choses, on est en lien toujours avec les syndicats, il faut évidemment que soit appliqué ce qui a été signé bien entendu, mais aujourd'hui on est un peu plus tourné aussi vers l'extérieur, vers les autres hôpitaux, ça nous tient toujours à cœur ce qui va se passer chez nous. On se doit de garder un œil dessus, seulement c'est sur un plan légal que nous on va être un peu plus embêtés, on n'a pas du tout les mêmes prérogatives que les syndicats, donc on peut être là en appui, en soutien, s'ils ont besoin de monde, ok, mais aux tables rondes on n'est plus forcément invités, ce qui est normal, hein. De toute façon c'est notre choix d'avoir fait un collectif et pas un syndicat justement, donc il faut accepter maintenant de ne plus être dans toutes ces négociations. Alors on a choisi de se tourner un peu sur l'extérieur et les autres hôpitaux ou même d'autres collectifs qui sont peut-être pas forcément en lien avec l'hôpital mais d'autres choses. D'accord, et du coup vous avez fait, j'imagine depuis le début de l'existence de votre collectif, plein de rencontres. Est-ce que vous voulez nous parler de ces rencontres-là, que ce soit avec d'autres collectifs de soignants ou des gens qui ont même a priori rien à voir avec ça à la base? Bah déjà, vous tous, Rouen dans la rue, ça a été un grand plaisir de faire votre rencontre. Et puis, on a eu l'occasion du coup, de rencontrer de nombreux hôpitaux pour accueillir un peu la souffrance, la colère. Mais pas seulement, on a aussi eu l'opportunité de réfléchir un petit peu aux soins en rencontrant d'autres structures qui fonctionnaient moi, personnellement, je trouve beaucoup mieux. Je prendrai l'exemple de la Borde, où on a pu rencontrer quelque chose qui était un petit peu mythique dans ma tête. Et mettre qu'est-ce un qui peu t'a de... plu à la Borde, toi ? La liberté que les patients ont et la liberté d'être un peu fou, on va ouais. dire ça comme ça, d'être soi-même et pas forcément à devoir être comme on le souhaite, enfin comme... une sorte de contrainte un peu sociale qui est exercée en psychiatrie, une bonne manière d'être, et dans celle-ci, enfin en psychiatrie à l'hôpital public, alors que dans celle-ci, on dit on va plutôt partir de ce que le patient a, et puis on va le laisser être comme il est, développer ses capacités pour mieux s'intégrer, plutôt que au contraire, brider ce qu'il a pour l'emmener vers... un seul axe, une seule bonne manière de réussir. J'ai l'impression que la vie peut être un peu plus douce pour les patients de la Borde que pour ceux du Rouvray, tu penses ? Complètement. Ouais. Quand je vois toutes les activités qu'ils ont à disposition, tout le soutien qu'ils ont, simplement, j'ai l'impression que les murs ils disparaissent un peu, tous ces murs blancs glauques de l'hôpital contre quelque chose de plus chaleureux. La forêt. C'est ça, la forêt, une architecture adaptée, un peu plus moderne, et puis des activités, on avait vu un spectacle de théâtre qui était fascinant, on faisait plein de distinctions entre les soignants et les patients. C'est, on ne savait pas qui était qui, en effet, c'était une adaptation de Lewis Carroll, Alice de l'autre côté du miroir. Et juste pour les auditeurs un peu naïfs, est-ce que vous pouvez juste dire ce que c'est la board? Vous l'avez abordé un peu rapidement, mais aborder la board. C'est une clinique qui apporte des soins psychiatriques, mais seulement pour les personnes qui le souhaitent. C'est ça la grande différence quand même avec nous. C'est ce qu'il faut préciser. Oui, c'est ce qu'il faut préciser. Ça rend la chose beaucoup plus facile. Les gens qui se rendent dans cet établissement le font de leur plein gré et ont déjà une démarche de soins en cours, ce qui chez nous n'est pas toujours le cas. Donc la Borde, c'est une chouette clinique, effectivement. Moi, j'ai également adoré m'y rendre. C'est Jean Houry qui est à l'origine de cet endroit. Et c'est un homme assez illustre. Et si vous avez l'occasion de lire quelques-uns de ses bouquins, allez-y, faites-le. Mais pour le coup, effectivement, si on pouvait appliquer quelques-unes de ces choses chez nous, ce serait chouette. Je pense que effectivement à la clinique de la Borde, ils rencontrent aussi plein de difficultés. Je pense que tout n'est pas du tout parfait là-bas, mais que on est loin quand même de ce que vous connaissez dans l'hôpital en ce moment. On va parler d'autres rencontres que vous avez faites juste après une petite chanson, si la technique veut bien nous faire ça. La technique veut bien vous faire ça. Comme un éclat de rire vient consoler tristesse. Comme un souffle à venir vient raviver les braises. Comme un parfum de soufre qui fait naître la flamme. Jeunesse, lève-toi contre la vie qui va, qui vient, puis qui s'éteint. Contre l'amour qu'on prend, qu'on tient, mais qui tient pas. Contre la trace qui s'efface derrière de soi. Jeunesse, lève-toi. Moi contre ton épaule, je repars à la lutte. Contre les gravités qui nous mènent à la chute. Pour faire du bruit encore, à réveiller les morts. Pour redonner éclat à l'émeraude en toi. Pour rendre au crépuscule la beauté des aurores. Dis-moi qu'on brûle encore, dis-moi que brûle encore cet espoir que tu tiens parce que tu n'en sais rien. De la fougue et du feu que je vois dans tes yeux. Jeunesse, lève-toi. Quand tu vois comme on pleure à chaque rue sa peine. Comment on nous écarte, perfusion dans la veine. Allons. Du faisceau, mon vieux, tu m'auras plus. Ami, t'y conviendra la crue. Contre-courant, toujours sont les contre-cultures. Au gré des émissions, leur gueule de fille d'ordure. Puisque s'en est sonné la mort du politique. L'heure est aux rêves utopiques. Pour faire nos ADN un peu plus équitables. Faire de la poussière un peu plus que du sable. Dans ce triste pays, tu sais, un jour ou l'autre, faudra tuer le père, faire entendre ta voix. Jeunesse, lève-toi. Au clair de lune indien, toujours surfer la vague. À l'âme au creux des reins, faut aiguiser la lame. Puisqu'ici, il n'y a qu'on est libre de ton triste sommeil, je t'en prie, libère-toi. Puisqu'ici il faut faire des bilans et du chiffre, sont nos amours toujours au bord du précipice. N'entends-tu pas ce soir chanter le chant des morts? Ne vois-tu pas le ciel à la portée des doigts? Jeunesse, lève-toi. Comme un éclat de rire vient consoler tristesse. Comme un souffle à venir vient raviver les braises. Comme un parfum de soufre qui fait naître la flamme. Quand plongé dans le gouffre, on sait plus où est là. Jeunesse, lève-toi. Contre la vie qui va, qui vient, puis qui nous perd. Contre l'amour qu'on prend, qu'on tient, puis qu'on enterre. Contre la trace qui s'efface derrière de soi. Jeunesse, lève-toi. Jeunesse, lève-toi. J'adore ce jingle. Alors, donc, on avait un petit choix de musique par les Blues Noirs et on revient avec eux. Du coup, on était en train de parler des rencontres que vous avez faites. On va revenir bientôt sur les autres collectifs qui se sont constitués comme vous dans d'autres villes. Et j'ai entendu dire que pendant vos vacances, cet été, vous êtes allé dans un endroit particulier qui s'appelle la ZAD. Pourquoi ? Comment ça s'est passé ? C'était bien ? C'était nul ? On s'est rendu à Notre-Dame-des-Landes, effectivement, parce que ce qui nous lie un peu les Blues Noirs, quand même, c'est un profil assez atypique et on est plutôt curieux. Donc quand on nous a fait cette proposition, on a été plusieurs à avoir très très envie d'y aller. Malheureusement, on n'a pas pu y aller autant qu'on aurait voulu. Nous n'étions que quatre. Seulement, ça a été un super bon moment avec une découverte incroyable, parce que même si on essaye d'imaginer ce qui a pu s'y passer, là, on n'a pas un dixième en fait de la réalité. C'est un monde dans le monde en fait, et c'est absolument génial d'avoir cette perspective d'avenir et toutes ces possibilités qui sont autres. C'était vraiment réconfortant. Ça fait du bien. Il y avait, quand on s'est baladé un peu partout, voir un peu l'histoire de la ZAD, on s'est rendu compte qu'il y avait eu énormément de projets qui avaient été faits, et parfois c'était un peu triste de voir ces projets qui avaient été détruits, des espaces de rencontre, des espaces pour échanger, pour ce qui a été produit sur place. Et quand on voit un cratère à la place d'un marché, ça fait un peu bizarre. On a un peu l'impression d'être à Bagdad. En effet. Bon, on voit aussi des gens qui continuent, qui sont courageux. Donc ça ressemble à ce que vous aussi, vous pouvez connaître, parce qu'on est souvent déçus dans la lutte, mais on est de ceux qui continuent quand même. Est-ce que, en parlant justement des rencontres, je crois qu'à ce moment-là, à la ZAD, il y avait des discussions beaucoup sur comment maintenir le lien avec les gens en dehors des moments d'intensité, etc., qui peuvent intéresser tous les gens qui luttent sur divers fronts. Mais justement, vous avez rencontré d'autres collectifs depuis surtout, j'ai l'impression, cet été, la rentrée, il se passe pas mal de choses au niveau d'une certaine convergence avec des collectifs qui vous ressemblent, même s'ils sont différents dans d'autres villes. Est-ce que vous avez envie de leur parler ou de nous parler d'eux ? Alors effectivement, depuis l'émergence d'un collectif au Rouvray, ça a donné l'envie à beaucoup d'autres hôpitaux. Ça a commencé par Le Havre, les Perchés, et puis Amiens, les Chadocs. On a aussi la Psychose à Saint-Étienne, et puis Caen, et puis Niort. Alors ils ne s'appellent pas forcément Blues Noir, mais peu importe en fait, c'est pas bien grave. Et la nouveauté aussi, c'est l'image. Les Chadocs ont choisi de reprendre cette espèce de petite bestiole, là. Les Perchés avaient aussi leur hache grand bleu avec le point levé, et ça a marqué beaucoup les esprits. Ça a donné vraiment une unité au mouvement, même si on n'a pas tous la même image. Nous, on a notre logo, ils ont le leur, etc. Mais c'est pas grave. Ça donne maintenant quelque chose de très concret qu'on garde en tête et qui donne plus de poids, je pense, à la parole. Oui, justement, dans votre, j'ai envie de dire presque dans votre façon de faire de la politique, parce que pour moi, vous faites de la politique. Peut-être c'est pas l'image, les réseaux sociaux, un peu le petit vent de fraîcheur que vous avez apporté avec votre façon de communiquer. Visuellement aussi, c'est assez fort. Vous avez une équipe qui tourne bien là-dessus. C'est effectivement comme ça que nous avons amené les choses. Quand nous avons rencontré les syndicats pour la première fois, on a vraiment tenu à les rassurer en leur disant « nous ne venons pas à la place d'eux ». Par contre, il semblerait qu'on puisse apporter quelque chose, et ce serait ça, plus ou moins, l'image et la façon de communiquer différente. Parce que dans les manifestations, le rouge, l'orange, le violet, le bleu, vous les voyez tous, les mêmes chasubles, toujours ces mêmes banderoles, etc. Nous, on leur a dit on voudrait arriver en noir. Bon, au début, ça n'a pas été bien accueilli du tout. Ça a été assimilé à beaucoup de mouvements plutôt radicaux. Après, quand on a bien expliqué que c'était aussi pour que ça ressorte, que cette couleur noire, on ne verrait qu'elle, bon, ça s'est un peu apaisée et on a pu discuter davantage. Et puis après, ils l'ont vu tout simplement dans les manifs, quand vous déroulez vos draps noirs, vous êtes tout seul. Donc on vous voit de très loin et ça parle à beaucoup de monde et ça suscite beaucoup de curiosité. Donc, Pour être allé à des manifestations avec les blouses noires, c'est d'ailleurs les banderoles qui sont les plus regardées et les plus prises en photo parce que ça attire l'œil. Et donc si le but est de faire connaître les revendications, et ben, ça marche. T'as dit on nous a assimilé à quelque chose de radical. Est-ce que radical c'est forcément un mauvais mot? Est-ce que ça veut pas dire simplement être sûr de ses idées, de ses convictions? Alors effectivement le mot de vocabulaire n'était pas forcément bien choisi peut-être, mais là c'était dans le radical pas sympa du tout. Oui d'accord, du tout, je du vois. Tout. Donc moi je veux bien effectivement avoir des positions radicales et ne pas négocier sur certaines choses parce que ça me paraît tout à fait hors de question. Je sais ce qu'on veut. Mais là, c'était du radical pas sympa. Mmh, je vois. On va remettre une petite musique avant de commencer. Mais d'abord, je voulais faire un petit point anniversaire. Ça n'a rien à voir, mais je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent. Notamment, c'est l'anniversaire de Patricia, la maman de Nico. Je lui souhaite un très bon anniversaire. Et il y a aussi Tomek, Sam et Simon qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui à un repas de famille. Donc, je les embrasse. Et puisque je suis avec les blouses noires, on salue Nico s'il nous écoute. Donc, c'était l'anniversaire hier. Donc, j'espère que tu te reposes bien. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass. 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars. Never forgets what I lost. Wake me up when September ends. Yeah. C'est une question. Est-ce que tu aimes bien aller à l'école? Et oui, pourquoi? Sans transition, on est toujours avec les blouses noires ici au Diable Corps. Alors, il n'y a pas longtemps, à la rentrée, j'ai vu sur un rond-point très prisé en ce moment, qu'on appelle le rond-point des vaches. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce que je suis passée récemment. Apparemment, il n'y a pas du tout de vaches sur le rond-point actuellement. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il n'y en a plus, non. J'ai vu l'hôpital du futur sur ce rond-point il y a quelque temps. Alors, est-ce que vous voulez nous dire quelle direction semble être prise avec les mesures annoncées en termes de santé? Si jamais, je ne sais pas, peut-être Emmanuel Macron et Agnès Buzyn nous écoutent. C'est peut-être qu'ils ont que ça à faire aujourd'hui. Une des dernières annoncées était plutôt sympa, elle est même plutôt sympa, c'est la prise en charge à 100% pour tous les enfants qui sont placés en famille d'accueil pour qu'ils puissent bénéficier des soins nécessaires aux traumatismes qu'ils ont pu subir. Donc ça, c'est plutôt chouette. Seulement, où vont-ils aller? Ça, c'est la question, parce que tous les CMP ferment, donc leur offrir les moyens financiers de se soigner, c'est vraiment chouette. Mais après, il faut des lieux pour les accueillir. Donc voilà, Madame Buzyn, si vous nous écoutez, franchement, ça on a besoin pas, d'endroits. Oui. Voilà. L'hôpital du futur, c'est quoi? Ça va continuer comme ça ou... On aimerait que non, mais c'est vrai qu'ils se déshumanisent de plus en plus. Vous entendez parler de consultations par visioconférence maintenant. Vous pouvez, sur Internet, prendre rendez-vous avec votre médecin généraliste. Enfin, les choses se délitent vraiment. On va vers de plus en plus de moins d'humains, vraiment moins d'humains. Donc ça, c'est pas une bonne chose. Il y a beaucoup d'investissements qui sont faits sur des nouvelles techniques pour soigner les patients, sur... des nouveaux procédés qui coûtent très cher, mais oui, en termes d'humains, c'est une diminution au fur et à mesure des effectifs. Nous, à l'hôpital du Rouvray, on a déjà du mal à remplacer simplement les personnes qui partent à la retraite. Donc on s'inquiète un peu, en effet, simplement du contact humain, oui, la base du soin, d'avoir trouvé quelque chose, un accueil à cette souffrance, et puis une réponse qui peut être simplement avec des mots, ça marche, je pense, très bien, mais elle est de plus en plus technique, et plus elle devient technique, plus les gens en ont peur, je pense. Est-ce qu'on peut gérer un hôpital comme on gère une entreprise? On peut le faire. J'ai entendu dire qu'il y avait des managers dans l'hôpital, moi je ne savais pas avant de vous rencontrer. On ne sait pas si on peut les qualifier de managers. Ils ont un budget à respecter, ça c'est sûr, qui leur est alloué et qui n'est pas extensible. Et c'est ça qui est dommage, parce qu'il faudrait, en fonction des besoins de la population, dire cette année, je vais avoir besoin d'un peu plus parce que j'ai cette configuration-là. Enfin, il faudrait que ce soit plus souple, plus élastique, plus en lien avec ce qui se passe, plutôt que de dire tous les ans, on vous donne tant, vous vous débrouillez avec, vous en ayez trop ou pas assez. Bon, trop, je crois que c'est encore jamais arrivé, c'est tout le temps pas assez. Allocations en termes de médecins, d'infirmiers, de lieux de soins diminuent également, et on se retrouve avec des listes d'attente incroyables pour une simple consultation avec un psychiatre, avec des urgences surchargées, avec des lits de plus en plus dans les chambres, et c'est dommage parce qu'on pourrait faire autrement. La psychiatrie, c'est une histoire de temps et d'espace. Il faut avoir du temps, il faut avoir des lieux, il faut avoir que ce soit confortable, agréable. Quand on va super mal, on a envie de pouvoir se poser. On n'a pas envie d'arriver dans une chambre où il y a déjà trois autres personnes avec une infirmière et une aide-soignante qui vous disent « Je reviens ». Oui, mais quand? On ne sait pas. Enfin, voilà, c'est l'hôpital du futur. Il faudrait qu'il soit bien différent de celui qu'on a construit sur le rond-point des vaches. Ça serait plutôt sympa. Et puis, les maladies psychiatriques aussi, elles évoluent. Avec le temps, on commence beaucoup plus à s'inquiéter des burn-out, cette souffrance liée au travail. Pour autant, on n'essaye pas forcément de faire évoluer les méthodes de soins pour qu'elles s'adaptent à une nouvelle patientèle, à des nouvelles problématiques. De plus en plus de personnes aussi sont à la rue. Comme ça, à l'extérieur, c'est isolé de tout le monde. C'est un des principaux facteurs qui fait qu'on va en psychiatrie, qu'on développe des troubles. Du coup, c'est aussi une des premières conséquence de la maladie psychiatrique, c'est aussi de se retrouver dans la rue. Donc, il y a un moment, il va falloir prendre à voir le corps ces problèmes-là, pas forcément par l'hôpital, mais que l'hôpital aussi, lui, fasse un pont vers cette problématique. Il faut qu'on commence à bien s'inquiéter de cette marginalisation qui bah, est à souhaiter à personne. Il faudrait qu'on retrouve le premier sens du mot, l'hospitalité, tout simplement. Revenir à ça, à cet accueil, à cette bienveillance, à cette tranquillité, à cet apaisement, et pas forcément dire on vous met dans tel lit, vous allez avoir tel traitement avec tel médecin, avec tel... Non, juste parfois dire aux gens, vous allez pouvoir vous reposer sur nous, dans tous les sens du terme, se reposer. Si aujourd'hui on fantasme un peu, qu'on imagine un hôpital ou bien même une psychiatrie où il y aurait le temps, l'espace et l'argent, tout ce dont il y a besoin, qu'est-ce que vous auriez envie de faire avec vos patients? Comment vous... Déjà à partir de ce que eux ont pour leur proposer des activités. On a tendance à proposer des soins avant même qu'il y ait une demande par le patient, que ce soit qu'on inverse un peu le sens. En effet, quel groupe de patients on a sous la main, qu'est-ce qui est le plus adapté pour eux. Voilà, nous, on a créé tout un tas d'activités. Dans la structure où on est, il y a des patients qui rappent, il y a des patients qui font des activités de menuiserie. Je pense qu'il faut développer en effet ces moyens techniques juste disponibles et puis ensuite proposer des choses adaptées aux patients plutôt que d'imposer on va soigner avec tel objet. Ouais, ce serait ça. Venez comme vous êtes, posez-vous, prenez le temps de voir ce qu'on peut faire pour vous. Trouver ça bien ou pas, si vous n'aimez pas, eh bien tant pis, on pourra peut-être pas faire mieux, mais en tout cas prenez le temps de voir ce qu'on vous propose et on vous le laisse tout simplement, parce que là effectivement quand ils arrivent on est dans une logique de ben, il faut qu'ils soient guéris, il faut qu'ils soient sortants, il faut qu'on puisse libérer le lit, il faut que, mais souvent les gens ils ont juste envie de se poser quoi, et puis nous on aurait envie de pouvoir leur montrer doucement qu'on peut leur apporter et puis de les laisser venir à nous, ça serait le plus confortable. Et justement, en parlant des patients, des premiers concernés, est-ce que certains savent ce que vous faites? Est-ce que certains vous soutiennent dans ce grand mouvement? Oui, on a... Si je pense aux familles des patients aussi. Oui. Alors... Marie, tu vas pouvoir nous en parler peut-être un peu plus. Toi, tu as plus rencontré de familles. On a rencontré quelques familles partout où elles étaient déjà allées. On n'avait pas forcément pu leur apporter de solution. Je ne dis pas que nous, on a pu le faire aussi. Hein. Parfois, malheureusement, il a fallu dire non, nous, on arrive à nos limites. Là. On va devoir effectivement vous réorienter. On va devoir plutôt vous adresser à telle ou telle personne. Mais ça leur faisait un accueil un peu différent, un peu un bol d'air, un peu quelque chose de, qui ne soit pas normé. Et c'est ce qui leur était assez agréable. Et pour nous, c'était chouette, c'était valorisant aussi de les voir venir spontanément. Et c'était... Ils se sont installés pendant une centaine de jours devant l'hôpital. Et du coup, ils étaient vraiment sur le passage, là où les familles et les patients venaient. Et quand ils sont intervenus à l'ARS, il y avait plus d'une centaine de personnes de l'extérieur, des familles, des patients qui sont venus en soutien. On a envie de voir ça, on a envie de voir les premiers intéressés se mobiliser aussi pour maintenir la qualité des soins ou contraire à l'améliorer. On revient tout de suite avec vous. Moi, j'ai envie d'écouter une chanson. Je veux bien choisir. J'aimerais bien écouter Chelsea Wolfe. Est-ce que tu trouves ? Oui, on envoie ça. Thank you. bienvenue sur Radio Crochet pour ceux qui nous rejoignent. On est avec des soignants du Rouvray qui font partie du collectif des Blouses Noires et quelqu'un d'autre vient de nous rejoindre dans le studio. Il se trouve qu'en plus, je crois qu'ils travaillent au même endroit. Tout à fait. Bonjour. Bonjour à tous. Donc effectivement, moi, je suis collègue de nos amis les Blouses Noires. Je suis leur combat dès le début, je les soutiens. De temps en temps, je suis avec eux. Bon, étant plutôt un électron libre, je me considère pas légitime pour parler en tant que Blouse Noire, mais... pour le définir en quelques mots, je dirais qu'aujourd'hui, beaucoup des hospitalisations elles sont vécues comme un moyen de sécuriser la société. Il n'y a plus vraiment de rapport aux soins. De plus, il y a majoritairement une négation du soin psychiatrique dans nos services, un appauvrissement chronique des moyens. Donc moi, la question que je voulais vous poser, c'était quand on fait ce constat, quand on travaille au quotidien avec ces moyens, comment on arrive à s'en sortir quand on a des valeurs comme les vôtres, des envies comme les vôtres, une réflexion comme les vôtres? Comment on fait le lien au quotidien entre toute cette pensée et les actions qui sont possibles dans les services de soins? On arrive à s'en sortir parce que justement, cette fatalité, on la refuse. Effectivement, on est limité en termes de moyens financiers, si je puis dire, mais... la liberté, on la prend autrement, le temps, on le prend autrement, et puis on s'organise peut-être différemment de quelqu'un qui serait plus axé sur les soins très techniques, etc. Bon, pour nous, ça va peut-être passer au second plan. Alors, effectivement, ça peut être aussi tout un travail en équipe. Vous savez que votre collègue, elle va préférer faire le pansement, distribuer les médicaments, faire les repas ou aller aux entretiens avec le médecin, ce genre de choses. Eh bien, il n'y a pas de souci. Ce jour-là, vous, ça vous permet de vous détacher pour faire autre chose. Parfois, ce confort du travail en équipe, on ne l'a pas parce qu'on n'est pas assez nombreux. Mais sur ces jours-là, peut-être il faut savoir faire des choix et dire ce soin-là, il me paraît possible de le décaler à demain parce qu'aujourd'hui, je vais plutôt prendre le temps avec Madame Intel de m'asseoir 5 minutes et puis de papoter, tout simplement. Il faut savoir soi-même se donner la responsabilité de déplacer certaines choses, même si ça paraît des fois complètement impossible de déroger au fonctionnement du service. Mais parfois, de déroger à ce fonctionnement, c'est pas si mal de pouvoir prendre du recul, faire un petit pas de côté et se dire est-ce que ça, faut le faire vraiment absolument maintenant ou est-ce qu'au contraire, je peux prendre 2 minutes pour faire un dessin, pour faire une manucure, pour faire toutes ces choses qu'on oublie de faire en psychiatrie, alors qu'avant, c'était quand même le truc un peu incontournable, le quotidien. On a oublié qu'ils sont là pour réapprendre le quotidien. Et c'est ça aussi, faire ce petit pas de côté et revenir à des choses simples. Moi, c'est ma façon de faire, en tout cas. Moi, je trouve aussi que vous faites un lien entre... le travail et l'extérieur, on n'est pas un robot quand on arrive au travail, c'est pas en mettant la blouse. Moi, je pense qu'on se transforme et vous nous renvoyez le message qu'on peut réfléchir, qu'on peut changer les choses. Et vous avez fait du bien à l'hôpital. Merci les Blouses Noires. Je pense aussi, pour répondre à ta question, c'est que en rencontrant aussi les autres professionnels de santé, on a l'occasion de se rendre compte que les problématiques qu'on a, c'est pas forcément les leurs. Il faut aussi tous qu'on se mette d'accord sur comment est-ce qu'on a envie d'organiser les soins pour que ça se passe au mieux. Souvent, ceux qui vont décider se retrouvent à l'intérieur de l'hôpital, sauf qu'il y a une grande partie qui est à l'extérieur et qu'on oublie, qu'on n'a pas du tout les mêmes problématiques. À l'hôpital, on a l'impression de faire un super travail, mais les patients reviennent toujours, alors on rejette la faute sur les structures ambulatoires, sauf que... non, on n'a pas fait le lien avec eux, on ne les a pas accompagnés, on n'a pas accompagné forcément le patient dans la poursuite du lien. Et je pense que c'est essentiel qu'à tous les niveaux du soin, on réfléchisse au lien déjà à l'accueil, comment on le fait, la forme qu'elle a pour ces patients qui sont aux urgences, qui se retrouvent propulsés en psychiatrie à toute vitesse. Mais aussi... ensuite, quand on les lâche tout doucement et que y a parfois un abandon qui se fait plutôt qu'une poursuite. Donc, en travaillant avec d'autres collectifs, avec d'autres structures, à différents étages, je pense qu'il y a moyen de réfléchir tous ensemble à ce qu'on souhaite et d'essayer de se mettre un peu d'accord là-dessus. Est-ce que ça répond à peu près à ta question ? Oui, notamment l'idée de réfléchir. C'est vrai que dans les services de psychiatrie, on n'a plus le temps de réfléchir. La psychiatrie, ça a toujours été différents courants qui se complètent, parfois s'affrontent. Toute une émulsion de réflexion, c'est qu'aujourd'hui la recherche est encore très pauvre. Hein. Les médicaments qu'on utilise pour la plupart datent des années 50. Et donc oui, toute cette réflexion qu'on n'a plus le temps, qu'on se permet plus d'avoir dans les services. Et bien des fois, avoir des gens qui se disent mais si on l'a plus dans les services, nous on va prendre un peu de notre temps personnel. Hein. On va un peu faire ça nous-mêmes. Si on ne nous le propose pas, on va le faire nous-mêmes. C'est un plaisir. Alors, je sais qu'on est en train de parler du fait qu'il faut prendre le temps, mais l'émission elle va bientôt toucher à sa fin là, et donc on accueillera les deux zigotos de la chanson brûlée. Alors on va voir, on va découvrir ce que c'est. J'ai encore une petite question, c'est pas du tout pour finir sur un point négatif, c'est vraiment parce que j'ai le souci d'avancer sur ces questions-là moi aussi. Je fais partie aussi de plein de collectifs, et je sais que parfois c'est difficile de s'organiser... à plusieurs, notamment hors des structures où il y a de la hiérarchie et des règles bien établies, même si c'est beaucoup plus jouissif de le faire comme ça pour moi et que j'ai choisi de le faire comme ça, et vous aussi. Est-ce que vous rencontrez vous aussi des difficultés? Vous n'êtes pas obligé de les détailler, mais comment vous arrivez à la dépasser et notamment comment vous réussissez à prendre des décisions quand vous n'êtes pas d'accord? Il y a peu de fois où nous n'avons pas été d'accord, si je puis dire, j'en ai même pas en tête. C'est super. Peut-être l'avantage d'être tous soignants, parce qu'on se situe dans des villes très différentes, mais qui ont les mêmes patients, les mêmes patientèles. Enfin, du coup, on se retrouve assez vite sur les problématiques, donc aussi sur les réponses à y apporter. Et généralement, le dialogue, il est hyper constructif et pas du tout dans le « je veux tirer de la couverture à moi » ou de toute façon, il n'y a aucun intérêt. On fait tout ça sur notre temps perso, on n'est pas payé, on n'a rien à y gagner, si ce n'est qu'avoir un peu la conscience tranquille parce qu'on fait un truc sympa, quoi. Donc, quand on travaille et qu'on est dans ces conditions-là, généralement, je pense qu'il n'y a pas trop d'embrouilles. Hein. Enfin, pour nous, en tout cas, ça se passe comme ça. Il n'y a pas de prise de tête. De toute façon, on n'a rien à gagner à la fin. Donc, si ce n'est quelque chose de plus grand que nous, c'est pas, y a rien de perso à gagner. Donc, On a une organisation qui est très horizontale où chacun met ses petites capacités à l'œuvre pour aider le mouvement général. Mais du coup, on peut changer de travail dans notre groupe si on a plus envie de faire ça, qu'on se sent plus à l'aise. On est très interchangeable en fait, donc on n'a pas du tout le souci de dire non, ça c'est mon créneau, je le garde, ça c'est moi qui fais d'habitude. Absolument pas. Et pour les autres collectifs qu'on a pu rencontrer, c'est la même chose, ils mettent tous la main à la pâte au moment où il y a besoin sur ce créneau-là, et tout le monde s'y met, et puis voilà, ça se fait assez naturellement. Ça va de la comptabilité à la vision artiste. On peut être 10 à faire une banderole et puis le lendemain on va être 10 à écrire un texte pour la prochaine intervention qu'on aura à faire. Et c'est les 10 mêmes. Et puisque ces mouvements, ces luttes et ces collectifs impactent autant notre vie personnelle et en fait en font partie, autant faire ça avec des gens qu'on aime et avec qui on s'entend dans bien. Dans la bonne humeur. Voilà. Et est-ce que vous voulez un petit mot de la fin? Est-ce que vous avez une dernière chose à ajouter? La dernière chose à ajouter, ce serait que bien que ça prenne du temps, bien que ça prenne aux tripes, ça vaut le coup. Et puis, est-ce qu'on peut laisser les choses continuer à se faire comme ça? Certainement pas. Donc, il faut prendre conscience que c'est maintenant, là. Blues Noir, c'est un peu un rêve pour moi. C'est plutôt que de râler dans son coin, commencer à mettre des actions, des mots sur tout ça, et puis les faire vivre. Ça peut se faire en effet dans la joie et la bonne humeur, comme on fait souvent. Donc il faut juste se donner les moyens de le faire. Et à un moment, c'est juste, j'ai envie, je retrouve des gens avec qui je m'entends et on se bouge et on reste pas dans notre coin à se plaindre que ça fonctionne pas comme on veut. Si on veut quelque chose, faut se servir. Et si certains qui nous écoutent sont au début de leur mouvement, sont à la naissance de quelque chose, ne vous découragez pas, il y en a encore pour un petit bout de temps, faut pas baisser les bras tout de suite. Des déceptions dans la lutte, comme on disait tout à l'heure, il y en a, mais des jolis moments, il y en a plein aussi, donc faut pas lâcher. Alors, restez pas dans votre coin, cherchez des soutiens, on est là si vous voulez en discuter. C'est des super derniers mots, donc on remercie Marie et Pierre, les blouses noires. Donc, vous avez entendu, ça vaut le coup. Et il y a autant de bons moments que de déceptions. Merci beaucoup. On vous retrouve juste après avec la chanson brûlée. Merci. Merci. Bourgeois, entends-tu passer dans ta rue une parade d'espérance et qui chante et qui danse, évoque, évoque la galère, le cap sur la bohème, évoque, évoque nos chimères, le cap sur le Freden et des cigales dans la fourmilière, et vous ne pouvez rien y faire. Il y a des cigales dans la fourmilière, et c'est pour ça que j'espère. Et bourgeois, entends-tu? Oui, entends-tu? Passer dans ta rue une parade de scandale, c'est les enfants là-bas. Et ça jongle, ça crache le feu, et ça fait boum boum dans les oreilles. À votre bon cœur, mesdames et messieurs, à votre bon cœur ou pas, c'est pareil. Il y a des cigales dans la fourmilière, et vous ne pouvez rien y faire. Entends-tu, passer dans ta vie une parade de fortune, c'est les oiseaux sans plume, et qui s'achètent, n'a que mal à vivre comme ils respirent, quitte à crever la dalle, ils ont tant de choses à dire. Il y a des cigales dans la fourmilière, et vous ne pouvez rien y faire. Une parade de fil en fil, c'est